100% francês com Ricardo de Matos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do 100% francês, a recuperar no início um dos temas extraídos do álbum de 1986 de Alain Chamfort, La Fièvre dans le Sang. Sem perder mais tempo, avançamos para a primeira estreia da semana e chegou tarde, pois já é um êxito do segundo semestre de 2009. Mas ainda vem bem a tempo em Archimède, no seu álbum de estreia e homónimo, em Au Diable Vauvert. D'Avers en avarie, jusqu'alors elle t'a pas loupé la vie, quand bien même. Esquintée quand les mots nous manquaient, tu laisses compter le bonheur au grand air. De guerre là, saurais-tu renoncer si la vie ne méritait qu'on l'aimât? rien n'est scellé. Ton mal, tu l'as pris en patience et la salle est vide en ce rien. Jusque-là, le faisait tourner la roue. Tant bien que mal, t'as continué le combat. Le salaud n'allait pas mettre au garde à vous ta volonté d'aller de l'avant, de rebondir et d'en venir à bout. Cette inertie morose. Clopin clopant sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus essentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui et le premier jour du reste de ta vie plus confidentiel. Loin plus s'effondre en quelques secondes. Sache que du berceau à la tombe, c'est dur pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus confidentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui, et le premier jour du reste de ta vie, c'est providentiel. Dois temas originais do primeiro Best Of de Etienne Dao, saiu em 1998. E agora recuamos um single do ainda último álbum de De Palmas, a este fantástico Dans une larme. Plongé au fond de la mer, as-tu déjà essayé? Et au centre de la terre, qu'y a-t-il dans l'obscurité? Les étoiles et leur poussière, sais-tu ce qu'il s'est passé? Derrière le soleil qui nous éclaire, y es-tu déjà allé? Une larme, tout l'univers. Une larme, au goût amer. Une larme, pour oublier que je suis incapable d'aimer. Oh, ma foi me désespère, mais je veux bien t'écouter. Le paradis et l'enfer, quel manque de subtilité. Perdu dans mon labyrinthe, je continue à chercher. Des années que je m'éreinte, de plus en plus enfermé. Une larme, tout l'univers. Une larme, au goût amer. Une larme, pour oublier que je suis incapable d'aimer. Ce sentiment me renverse. O 100% francês torna a dar força aos Neyved, têm tentado chegar ao grande público através de alguns singles isolados e em 2008 saiu finalmente o primeiro álbum que inclui este fenómeno éphémère. E voltamos ao álbum que marca as despedidas de adolescente do grupo masculino Bibi Brune, uma despedida de adolescente de luxo, Nicotine Love, agora no 100% francês. fr.blogspot.com 100% francês com Ricardo de Matos. Au final, bébé, bébé n'importe quoi n'importe. 100% francês com um sucesso singular do início dos anos 90, o único hit de Sarah Mandiano em 1991. Muitos já não se lembravam deste Je dis tout. Em contraste, Camélia Jordana não se deixa ir em conversas e tampouco em dúvidas. A tudo diz non, non, non. Combien de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron. Non, non, non, non. Je rêve que la nique. Je te traite de fou. Je te traite de fou. Mais tu rêves debout, de rêves dans la boue. Oh, je vois que tu vis quand tu ris, quand tu ris, quand tu ris de nous. Je te traite de fou, fou, fou. Je te traite de fou, fou, fou. Je te traite de fou, fou, fou. Non, non, non, non. O 100% francês de regresso às grandes raridades, Je rêve que, é o álbum de Rivière, o último de Vallée em 1999, Vallée que decidiu não dedicar o novo século à música. Foi pena. Agora é a vez da segunda e última estreia de hoje. Acontece com o senegalês TT. 5 álbuns de originais em apenas praticamente 10 anos de carreira dão uma excelente imagem de si. Do novo trabalho Leclerc de Lobe, é para conhecer agora l'envie et le dedain. Dans la plaie de tes yeux, on devine le venin. Dans le pli de tes nœuds, un bien curieux parfum. Le jour comme la nuit, deux dans le même écrin, unis à ce qu'on dit comme les doigts. L'envie est le dédain. Da do do do do do do do. Un peu de l'un, un peu des deux. L'envie est le dédain. Da do do do do do do do. De toi, donc de ton prochain. L'envie est le dédain. Yeah, yeah. Dans le biais de tes voeux, on peut lire par moments. Comme en creux de bien curieux couplets. T'entends, mais tant pis, la même mélodie. Le jour comme la nuit, rien jamais ne suffit. L'entrain, le mépris, l'envie et le dédain. D'un doudou, doudou. na na na na na na na na na na na na na na. Comme un sorcier dans la fumée. Même si je t'en veux pas, de troubler mes rêves entamés. C'est exactement ça qui me force à m'éloigner. C'est exactement ça. Même si cinéma d'ombre enlacée, c'est exactement ça que mes rêves ont décidé. C'est exactement là que je me suis dévoilé. Même si la nuit, même si les mots ne nous ont rien laissé, même si tu fuis, même si il faut tout oublier, même si je m'ennuie. Victor Lazo é bastante conhecida do grande público pelo tema Sweet, Soft and Lazy, tema censurado no 100% francês, tenho pena, mas é mesmo assim, como é fácil de perceber porquê. Contudo, luz verde para este Faucon Blanc ou qualquer tema cantado em francês desta senhora poliglota. Na reta final do programa e ainda a fazer parte da seleção oficial desta semana com a última de Benjamin Biolay, Si tu suis mon regard. Até já. Vers bouteille et commencer.

Rhiannon-Lys, on n'est pas à une bêtise près. 2009. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner au port et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Mes bonnes bêtises, je m'en souviendrai toujours. À croire qu'il y avait un concours du truc le plus interdit à faire un mercredi. Mes bonnes bêtises, elles ne sont pas si loin. Je revois encore le coin. J'y grattais pendant un bail, la peinture qui s'écaille. Notre poésie, c'était peinard et sans corbeau et sans renard qu'on l'écrivait. Une vitre en moins, je prends du galon. Je grandissais. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner au port et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Bonnes bêtises, c'était entre copains. Qu'importe si t'étais Lupin. On était tous légales, notre frangin de mandale. Mais les bonnes bêtises, on a beau les faire en bande. Y'a une règle dans la truande, c'est à celui qui s'y colle qu'il arrive des bricoles. Ma plus belle femme, sans aucun doute, celle du crapaud et du mammouth qui explose. Je l'ai touché au lance-pierre, ma petite sœur garde une paupière mi-close. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner au port et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner au port et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. David Coven, Elle Danse. 1988. Elle se déhanche sous les flashs, sous une avalanche de strass. J'en suis resté cloué sur place. Dans la boîte, elle fait un massacre. Les types la matent, les filles font le masque. Elle se balance comme une matraque. Elle est belle à tomber en transe. C'est un miracle quand elle se penche pour un cardiaque. C'est une urgence. C'est un attentat pour maniaque. Moi je peux bien parier 10 plaques. Quel est scorpion dans le zodiaque. Elle danse. Elle danse parce qu'elle aime ça. Elle danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Elle danse parce qu'elle aime. Elle aime ça. Puis colle à la peau. On pourrait croire qu'elle sort de l'eau. C'est de l'uranium enrichi. Tout ce qu'elle touche, elle l'irradie. Dans son corps brûle un incendie. Les filles retiennent leurs sanglots. Les types se retiennent au rideau. La lumière s'accroche au projo. Elle a renversé de l'essence autour de la piste de danse. Une étincelle, tout se déclenche. Elle danse. Elle danse parce qu'elle aime ça. Elle danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Elle danse parce qu'elle aime. Elle aime ça. c'est pas du jeu. Ses dents sont des morceaux de glace qui balancent des éclairs de flash. La banquise, elle en fait des flaques. Il faut que je trouve quelque chose, y'a jamais eu d'effet sans cause. Sinon je dérape dans la névrance. C'est de la tequila qu'on frappe, une bombe à la peau de nacre. Je la séduis